Le 24, c'est une cuvée 2018, 3 livres dans Hotel Lonely Hearts, dont on a dit beaucoup de bien. Valeur marchande, $90. Mise actuelle, $45. 25, des histoires déjantées, dont La vie rêvée des grippins. $100 de départ, mise actuelle $75, numéro 26, édition Alto, roman qui flirte avec la science-fiction, dont L'âme des horloges, $90, valeur marchande, $55, mise actuelle. Et un petit dernier, le numéro 27, commission de la capitale nationale. Ben là, il y en a beaucoup de livres, il y en a une quinzaine, valeur $350, et il y a une mise de $200. Fabien Gabel et les musiciens de l'Orchestre symphonique du Québec vous invitent à découvrir la nouvelle saison 2018-2019. Une programmation exceptionnelle qui célébrera la richesse du répertoire symphonique. La Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, la 5e Symphonie de Tchaïkovski, la Symphonie Pastorale de Beethoven. Aussi, des rencontres avec des solistes inspirants. Charles-Richard Hamelin, Marie-Nicole Lemieux, André Laplante, Lise de la Salle, Jean-Guyenne Queyras, Ingrid Flitter. Autant d'artistes prestigieux pour autant de rendez-vous inoubliables. Hydro-Québec, partenaire de saison. Soyez les premiers à miser sur les lots de l'encan du Radioton sur ckrl.qc.ca et téléphonez au 88 640 2575 et faites votre mise. Hey, du bon jazz, j'aime donc ça. Vous avez pour vous répondre Jean-Pierre Gay et Jacques Bégin, président du CA de CKRL. Hôtel Château Laurier, forfait Couette et café, une nuitée en occupation double. Ce sont les lots 28 et 29, valeur de $250. Dans le cas du 28, la mise est de 125. Et dans le cas du 29, la mise est à 130. 640-25-75. Oh! Numéro 30, presse de l'Université Laval, sélection de 4 ouvrages sur l'histoire du Québec. Toujours des livres majeurs sur le nord du Québec, le centre du Québec. Valeur marchande, $200. Mise actuelle, $150. Je vous rappelle donc le numéro de téléphone, le 640-25-75. Faites un don en composant le 88-640-2575 ou en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton PayPal. C'est le moyen le plus sécuritaire et le plus simple d'encourager votre radio. Cette journée du Radioton de CKRL vous est présentée par la Caisse de Limoilou et de Première Ovation. La Caisse populaire de Limoilou est fière de s'associer au Radioton 2018 de CKRL, un événement radiophonique majeur et essentiel pour la croissance de médias locaux de grande qualité pour notre communauté. Bonjour, ici Patrick White, éditeur et rédacteur en chef du HuffPost Québec. Je vous encourage à être généreux et généreuse toute la fin de semaine pour le Radioton de CKRL 89.1 à Québec. Cette émission vous est présentée par le Conservatoire de musique et d'art dramatique de Québec. Tu veux devenir acteur, musicien, compositeur, scénographe, metteur en scène? Tu cherches une grande école où enseignent des musiciens et des comédiens renommés? Viens faire ton conservatoire. Le Conservatoire de musique et le Conservatoire d'art dramatique de Québec, deux écoles d'une extraordinaire vitalité au cœur du bouillonnement culturel d'ici. Découvre ces établissements prestigieux et chaleureux dont les diplômés sont les joyaux de la scène québécoise et internationale. Sur scène, sur disque, au cinéma, à la télé, nos finissants sont partout. Et CKRL se fait le promoteur de leurs talents. Le Conservatoire est fier d'appuyer le Radioton de CKRL. Vous êtes toujours au Radioton de CKRL 89.1. Soyez généreux. On est là, nous, jusqu'à 21h ce soir. Soyez généreux, je le rappelle. Passez nous voir aussi au 405 3e Avenue. Et puis, ben, vous pouvez aussi, par la magie d'Internet, faire vos mises sur les lots d'encan. Ça se termine là, vers 16h. Et puis, 18h, si je ne m'abuse, vous pouvez donc faire des dons aussi. Alors, présentement, on va parler avec Jacques Leblanc, qui est directeur du Conservatoire d'art dramatique, et Lauriane Charbonneau, qui est étudiante en première année du Conservatoire dramatique. Et tout ça pour parler des 60 ans. 60 ans de conservatoire. Jacques, nouvellement directeur. Ça fait 2 ans déjà. Oui, ça passe vite. Oui, ça passe très vite. Et j'aime bien ma job. C'est une belle job. Mais d'abord, de directeur en directeur, tu étais là-bas. Vous êtes échangé, toi et Michel Nadeau, ben oui, les ça a bizarrement donné. Ouais. Je suis devenu directeur du conservatoire. Michel était là par intérim, après l'avoir été un petit peu aussi. Pendant quelques années, il a été directeur. Mais là, il était directeur par intérim. Moi, je suis devenu directeur du conservatoire et 2 mois plus tard, Michel est devenu directeur de la Bordée. Fait vous êtes échangé les dossiers. On s'est échangé nos dossiers, mais c'est sûr qu'on a dû se parler quelques fois pour éclaircir des affaires d'un côté comme de l'autre. C'est très drôle même. C'est ça. Ouais. On s'échange les informations. Ouais. Jacques, tu es un habitué des conservatoires puisque tu as toi-même étudié au conservatoire d'art dramatique. Oui. Et puis, au préalable, tu avais étudié au conservatoire de musique de Trois-Rivières. Exactement. En violon. En violon. En fait, le conservatoire de musique de Trois-Rivières a ouvert aux alentours de 1965. Et moi, je suis rentré à cette école l'année suivante. Alors, c'était tout nouveau, tout beau. C'était drôle parce que c'était dans une vieille maison sur la rue La Violette à Trois-Rivières. Oui, on est Trois-Rivières, les deux. On se connaît depuis longtemps. Et c'est ça, pour rentrer dans mon cours de violon, il fallait que j'aille dans le grenier. On levait la porte au-dessus de l'escalier là, pour aller dans le grenier. C'était une demoiselle coiffard qui m'enseignait. Et elle était très, très méchante. Elle n'arrêtait pas de me donner des coups de crayon sur les doigts. C'était assez effrayant. J'étais tout petit, là. C'est une belle façon d'enseigner, mais ça a beaucoup changé maintenant, l'enseignement. Oui, on pourra en reparler, puis ça a beaucoup changé aussi au conservatoire. C'est peut-être à cause d'elle que tu es allé étudier au conservatoire d'art dramatique, je te dis le violon. Non. Parce que tu es quand même un très bon musicien. Oui, j'ai étudié le violon pendant 11 ans, fait que c'est sûr que j'ai appris pas mal comment ça se passe, la musique. Aujourd'hui, je joue un peu, là. Je vais jouer d'ailleurs un petit peu dans le show que je suis en train de répéter au Trident. Mais ça sert beaucoup, la musique, dans la vie. C'est incroyable. Puis au théâtre, ça sert énormément. Et quand on dit qu'un acteur a du rythme ou qu'un acteur est capable de faire ses entrées puis ses sorties, il y a quelque chose dans la musique aussi. Tu sais, quand tu chantes ou quand tu joues, il faut que tu entres au bon moment puis il faut que tu sortes au bon moment aussi. Alors, puis tout le rythme, le timing, être avec l'autre, l'écoute, toutes ces affaires-là, je les ai apprises beaucoup au conservatoire de musique. T'es sorti en 81? En 81 du conservatoire. En fait, j'ai fait 3 ans en jeu et j'ai terminé en 81. Tout de suite, l'année suivante, j'ai fait une année en mise en scène. C'était la première fois qu'il y avait un étudiant de mise en scène, donc il testait une espèce de cours. Il y avait un professeur. Un genre de projet pilote. C'est un projet pilote. Tu sais, ça a duré 1 an seulement, je me rappelle. C'était toi. C'était moi. Et puis, mais c'était le fun. C'était plutôt des rencontres. J'avais fait quelques exercices pratiques, mais j'étais beaucoup en relation avec certains professeurs. Il y avait un des professeurs, d'ailleurs, qui me donnait son cours au chant Auteuil. Parce qu'on parle du même professeur, je l'ai connu, celui-là. Lauriane, toi, t'es toute nouvelle au conservatoire, première année. Est-ce que ça répond à tes attentes? On est quoi au mois d'avril, là? Donc, tu as commencé. Elle va être obligée de répondre oui. Oui, là, c'est ça, le directeur est là. Oui, j'ai pas le choix. Mais non, mais vraiment, c'est pas ce à quoi tu t'attends. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. Je veux dire, tu as des cours. Moi, j'ai fait mon cégep, j'ai fait un pré-universitaire en théâtre. Mais c'est pas du tout la même chose que ce que tu vis. Tu sais, c'est comme tu connais la théorie du théâtre, tu connais plein d'affaires. T'en fais depuis que t'es petit de façon amateur, t'as du plaisir partout, mais t'arrives là, puis c'est un autre univers. Je crois que la meilleure préparation que j'ai eue, moi, pour qu'est-ce que j'allais avoir au conservatoire, c'est vraiment juste mes coachings lorsque je préparais mes auditions. Ça, c'est ce qui ressemble le plus à ce que tu vis au conservatoire. Parce que c'est entièrement, presque entièrement axé sur la pratique. Alors donc, c'est des scènes, c'est, ben, tu le sais, toi-même, tu l'as fait, oui, le conservatoire. Sur 190. 90, bon, donc ça fait pas loin de 30 ans. Oui, oui, voilà. Non? On se sent encore dans la relève, c'est ce que je dis. Alors, donc, tout à l'heure, je me sens encore dans la relève théâtrale, moi. Mais ouais, c'est ouais. Donc une autre cohorte. Ouais, c'est ça. Aussi, mais effectivement, l'esprit du jeu, puis l'esprit de l'enseignement, de la formation, au conservatoire, je pense que ça n'a pas beaucoup bougé. Jacques, tu pourrais peut-être... Depuis, ben, parle-nous donc un petit peu à l'origine, là, oui. La Alors, naissance des conservatoires. Oui. Avant, à Québec, il apprenait sur le tas. Il apprenait sur le tas. Puis il n'y avait pas tant de théâtre professionnel à Québec. Il y en avait quand même. Il y avait le théâtre de l'Estoc. Là, Radio Romain. Oui, c'est ça. Des choses comme ça. Annette Leclerc, là, celle qui faisait Madame Blancheville dans les annonces de Monsieur Net, je crois. Elle, c'était une femme de Québec et elle jouait au cinéma. Elle jouait, mais elle n'avait jamais appris, évidemment. C'était sur le tas. Le conservatoire même, les conservatoires ont été fondé il y a 75 ans. Le premier conservatoire, c'est le conservatoire de musique. Ensuite, il y a eu le conservatoire de musique de Québec. Et ensuite, le conservatoire d'art dramatique de Montréal. Et quelques deux ans plus tard, je crois, le conservatoire de Québec. Donc, il y a 60 ans. Et au départ, il y avait pas énormément d'étudiants. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on accepte 12 étudiants par année au conservatoire. Là, il y était un peu moins d'étudiants. Il y avait moins de cours aussi. C'était M. Jean Valcourt qui était directeur. C'est lui qui avait fondé... En tout cas, il avait été au conservatoire de Montréal et il est venu fonder le conservatoire de Québec. Et les cours étaient très axés sur la façon française de jouer. Et parce que c'était des Européens qui étaient venus au Québec, qui enseignaient la façon de jouer, la façon de dire. Puis c'était beaucoup la tragédie, la comédie classique, c'était beaucoup Molière, de ça. Molière, Racine. Molière, Racine, exactement. et puis, bon, plusieurs... Denise Gagnon, une comédienne qui joue encore, qu'on a vu encore dernièrement, je crois, à la télévision. Là, elle avait un rôle important dans l'Auberge du Chien Noir. Elle joue souvent au théâtre. Très grande comédienne. Ça a été une des premières finissantes du conservatoire. Alors, ça fait un bout. Et puis, elle pratique toujours son métier. C'est extraordinaire. Est-ce que tu sais, est-ce que c'était sur Saint-Denis, la première école? Parce qu'il y a eu un incendie dans l'histoire où on était ambulant. Là, je ne veux pas poser une non, mais... non, celle-là, je ne peux pas répondre, mais j'ai l'impression mais que beaucoup tôt, de cours étaient donnés aussi à l'Institut canadien. J'ai cette impression-là là, dans une conversation que j'ai entendue. Oui. Et ensuite, c'est allé sur la rue Saint-Stanislas au théâtre et sur Saint-Denis. Là. Mais je crois qu'il y avait le conservatoire de musique et d'art dramatique dans la même bâtisse sur Saint-Denis. Ensuite, le conservatoire de musique est parti vers le Grand Théâtre. Ça, c'était en 71 à peu près, quelque chose comme ça. Le conservatoire d'art dramatique est resté sur Saint-Denis. Mais là, s'il y en a qui le savent, ben appelez-nous pour nous le dire. Je veux pas me mélanger trop, mais il y a eu l'incendie aussi du conservatoire en 86 sur Saint-Denis, cette magnifique maison... qui était sur Saint-Denis avec la grande salle au deuxième étage qui était formidable là, pour justement faire les ateliers libres et faire nos cours avec un plafond extrêmement élevé. Ça, c'est très important quand on joue aujourd'hui. Tu sais, quand on étudie comment faire du théâtre, ben c'est important d'avoir du dégagement en hauteur parce que pour pas qu'on joue comme ça. Faut que le jeu s'élève, faut que le jeu soit ouvert. Exactement. Et on avait ça beaucoup sur Saint-Denis. Maintenant, on est sur Mont-Carmel. Le théâtre du conservatoire est toujours sur la rue Saint-Stanislas, mais c'est un peu touché notre école parce qu'on a quatre lieux. Ouais, l'école, le théâtre, les ateliers, la bibliothèque. Donc, ça fait beaucoup de transport, tout ça. Oui, oui. Bon, ça, c'est ta partie, la gestion. Oui, c'est ça. Exactement. Lauriane, si on change de registre, qu'est-ce qui t'a poussé à aller étudier au conservatoire et au conservatoire de Québec? Parce qu'il y en a un autre à Montréal. Il y en a qui décident, tiens, je vais aller direct à Montréal. Toi, tu as choisi le conservatoire et Québec. Peut-être que tu vas me dire que tu n'as pas choisi, que c'est les auditions qui t'ont choisi. Oui, ben enfin, en fait, moi j'ai fait 2 ans mes auditions avant d'être acceptée à Québec. Oui, ça c'est une réalité aussi. Oui. Là, on fait nos auditions une fois, ça marche pas. Ben je veux dire, c'est la vie d'acteur. Je veux dire, il faut que tu sois prêt à te relever même même quand tu tombes. Et je l'avais pas fait à Québec la première année. Je les avais fait seulement à Montréal parce que je trouvais que Québec c'était loin. Moi, je viens des Laurentides. Puis là, j'étais comme, oh non, c'est loin. Je sais pas si je vais aller aussi loin que ça, mais j'en ai entendu parler. J'avais des amis qui s'essayaient vraiment pour le Conservatoire de Québec, qui m'en ont parlé. Puis fait que là, j'ai regardé, puis je me suis inscrite à la dernière minute. C'était la soirée même. Puis là, j'étais comme, est-ce que je dépense, parce que c'était mon argent un peu que je mettais là-dedans. Les frais. Et là, j'étais là et j'étais comme, ah, est-ce que je paye pour ça? Puis j'étais comme, OK, oui, let's go. J'ai eu l'aide de mes parents. Fait que je me suis inscrite. Je suis allée faire mes auditions, puis j'ai été acceptée. Fait que c'est ici que je suis venue étudier. Vous êtes une grosse classe. Combien vous êtes dans votre... 12. 12, c'est à peu près la moyenne des cohortes. À peu près ça, dans... oui. Ça n'a pas bougé. Non, pas tellement. Moi, j'ai commencé, on était 12. On a fini 7. C'était différent dans le temps. Oui, nous aussi, les élèves, on passait de 12 à 6. Aujourd'hui, les cohortes restent à peu près toujours à 12, 11 ou 12. Ça dépend des années, là. Mais les jeunes arrivent, ils sont beaucoup plus préparés. Ils ont, tu vois, Lauriane, là, elle a dit, elle a étudié, elle a fait beaucoup de petits cours de théâtre. Elle a étudié, elle a pris des cours à l'université. Que tu es allé? Au cégep, tu sais. Fait qu'ils arrivent, ils ont déjà plus de connaissances, de bagages. Nous, on arrivait, puis, en tout cas, dans mon temps, il y avait moins de professionnels qui enseignaient. C'était beaucoup les profs de français qui enseignaient et avec tout ce qu'ils pouvaient, mais c'était pas des gens qui avaient pratiqué le théâtre. Alors, on arrivait, puis, on faisait ce qu'on pouvait, tu sais. Oui, oui. Puis donc, ça veut dire que, grosso modo, vous avez moins la hantise des contrôles. Là, ça s'en vient. Là. Moi, je me souviens, à mon époque, c'était les larmes, les cris, les nuits d'angoisse, littéralement. Je pense que vous avez pas connu, vous connaîtrez pas ça probablement. Ils connaissent ça encore. Genre. Oui, c'est sûr, c'est angoissant de rencontrer l'ensemble du corps professoral, là, puis d'échanger avec eux. Tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être troublant, mais bon, il faut qu'il faut. C'est pas comme les cégeps qui vraiment ont à couper du monde la première année. Je veux dire, c'est pas la même ambiance qu'on a. On est là, puis on sait qu'on est accepté au moins, puis on sait que... ils ont aucune obligation de faire des coupures. Fait que rendu là, c'est prouve ce que t'as à démontre ce que t'as à donner. T'sais, donne-leur ce qu'il faut, puis tu sais que tu vas continuer. Est-ce que tu te sens en compétition avec les autres de ta classe? Non, du tout. Il n'y a aucune compétition. C'est vraiment, on est tous là pour s'aider. Ça, j'ai eu peur de ça au début, mais non, c'est vraiment. Puis les années entre elles, les troisièmes années envers les premières, envers les deuxièmes, envers tout le monde ensemble, on est là pour s'encourager à essayer des nouvelles affaires. Tu te plantes, c'est pas grave. Les gens, ils te donnent une tape dans le dos. Ils étaient comme, c'était pas la meilleure, mais t'es capable. Là, on voit que t'as quelque chose d'intéressant. C'est un peu ça, l'école. Ça change complètement, je veux dire, ta cohorte. Je veux dire, si t'es en compétition avec du monde, tu peux pas t'ouvrir, tu peux pas démontrer tes sentiments. Je veux dire, le théâtre, c'est t'ouvrir ta vulnérabilité aux gens. Si tu te sens en compétition avec les gens avec qui t'étudies, moi, je pense que j'y arriverai pas. J'y arriverai juste pas. Non, parce que c'est ça l'idée d'une école. C'est là qu'on peut faire ses erreurs. Après, c'est plus difficile. Jacques, on parle beaucoup de jeu parce que Lauriane est là. Oui. Moi, j'étudie aussi en interprétation, mais il y a un volet scénographie Absolument. Aussi. Absolument. Il y a une classe qui existe depuis longtemps là, en scénographie, qui avait été fondée par Paul Bussière. Et cette classe, ce volet-là de l'enseignement du théâtre existe toujours au conservatoire et c'est absolument formidable parce que les cohortes, mettons comme celle de Lauriane, eux autres, pendant 3 ans, ils se côtoient. En première année, peut-être, c'est sûr que c'est moins ensemble, mais quand même, ils sont... ils savent qu'en troisième année, ils vont faire ensemble les spectacles. Parce que là, c'est des filles qu'on a. On a juste des filles en scénographie présentement. Ben les filles en première, deuxième, troisième année, ils conçoivent les décors, les costumes des spectacles. C'est-à-dire en deuxième année, du récital poétique et en troisième année, les 4 spectacles qui ont lieu au théâtre. C'est assez extraordinaire. Puis, on le sait, c'est une école qui est axée sur la création, sur l'écriture. On a aussi une classe de mise en scène. Les étudiants ont des cours d'écriture, mais ils font en troisième année une création collective et les étudiants en scénographie participent aussi, bien évidemment, à la création. Fait que c'est aussi deux volets très importants du théâtre, trois avec la mise en scène, bien sûr, et qui, ensemble, travaillent parce que on a toujours, on sait pas trop, les gens ne savent pas trop quel est le vrai métier d'un scénographe. C'est plus nébuleux, c'est un peu déjà nébuleux. Le mot scénographe. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est concevoir dans quoi les pièces vont être jouées pour le public et comment les acteurs vont être habillés, c'est extrêmement important. Le premier look d'un personnage sur scène, ben ça t'en dit énormément, c'est son costume, tu sais. Ouais. Et ben puis le décor, tu sais, dans quoi t'évolues, ça a une incidence très très importante sur ce que le public va recevoir de ce spectacle-là. C'est un métier, là, je pense, des métiers, là, la scénographie, le jeu. Hein, on le sait, c'est pas tout le monde. Il y a une douzaine de personnes, mettons une dizaine par année qui sortent. C'est pas un métier où tout le monde va jouer. Ton rôle là-dedans, toi, c'est de faire en sorte que tout le monde ait une formation égale et puis qu'après, chacun puisse voler au meilleur de ses compétences. Ouais, dans le volet pédagogique, je réfléchis beaucoup avec l'ensemble des professeurs sur l'avenir de l'enseignement au conservatoire et quelles sont les nouvelles façons de faire aujourd'hui. Il y a ça, c'est très important, tu sais, et en scénographie et en interprétation. On parlait, il y a quelques un an ou deux, on parlait du théâtre narratif. Il y a beaucoup de théâtre narratif présentement au Québec. Il y a beaucoup d'écritures où le personnage joue, mais en même temps dit au public. Et ça, ben, on n'enseignait pas tellement ça à l'école. Et là, ben, on est obligé de regarder ça, tu sais. Et même chose pour tout ce qui a trait aux projections et tout le côté informatique là, du théâtre, là, la technologie. Ben, il faut que là, l'année prochaine, on va avoir enfin un nouveau cours en scénographie sur d'abord l'éclairage, ça c'est très important, on n'avait pas ça, mais aussi sur les projections et sur quoi on projette, puis qu'est-ce qu'on projette, puis pourquoi, puis qu'est-ce que ça implique dans une production d'avoir des images. Oui, le métier change, donc le conservatoire, c'est ça aussi. Faut apprendre Molière, j'imagine que vous le faites. Ça, je pense que c'est en deuxième année, mais en tout cas, il faut apprendre ces grands classiques, mais aussi, il faut se tourner vers l'avenir. Moi, je propose d'écouter Maude Audet, qui étudie au Conservatoire d'art dramatique en scénographie. Exactement. Et puis qui, maintenant, est à Montréal, elle chante. Oui. Elle fait une belle carrière. Elle fait une très belle carrière. Et puis, ça sert à ça aussi, le Conservatoire. Oui. Hein? C'est drôle ça parce que elle avait fait la musique de Les Fées ont soif présentée au Théâtre de la Bordée il y a quelques 3-4 ans, là, quelque chose comme ça. Et elle avait remporté le prix de la meilleure musique alors qu'elle remportait à toutes les années les prix de scénographie pour ses costumes. Elle est vraiment très talentueuse. Bon, on l'écoute. Yeah. partenaire majeur du Radioton de CKRL, le Bal du Lézard s'est imposé au fil des ans comme un lieu de rencontre culturelle et sociale au cœur du quartier Limoilou. À la fois café, resto, bar, salle de spectacle et d'exposition, le Bal est l'endroit idéal pour rencontrer des gens sympathiques dans une ambiance chaleureuse. Découvrez toute notre programmation à venir sur lebaldulézard.com. Ici Agnès Maltais, je vous invite à participer au Radioton 2018. Soutenir CKRL, c'est s'assurer d'une voix locale et unique, la première radio communautaire francophone. C'est valoriser et soutenir la culture québécoise et la relève artistique. C'est permettre à toute la communauté de s'exprimer et de participer à la vie de quartier. C'est grâce à vous que CKRL est la plus belle radio au monde. Bon Radioton 2018! L'Harmonie de Charlebourg vous invite à son concert dessiné Carnet de voyage, présenté dans le cadre du 31e Festival de la BD francophone de Québec. Sous la direction musicale de François Dorion, une cinquantaine de musiciens et les dessinateurs Anthony Charbonneau-Grenier et Julien Dallaire-Charret réaliseront en direct une performance unique de dessin. Au programme, Celtic Classic, Les Voyages de Gulliver, Rogue One, Terra Mystica et plusieurs autres. Lors de ce concert, l'Harmonie de Charlebourg dévoilera les noms des lauréats de la troisième édition de son programme de bourse pour la relève musicale des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Rendez-vous le 21 avril à 20h à la salle Saint-Augustin du Centre Le Montmartre, 1669 Chemin Saint-Louis. Billets en vente sur harmoniedecharlebourg.ca/billetterie. La Commission de la Capitale-Nationale du Québec vous invite à découvrir Québec comme vous ne l'avez jamais vu à l'Observatoire de la Capitale. Créé sous la direction artistique d'Olivier Dufour, le parcours Horizon propose un trajet rythmé à travers l'histoire et le panorama unique de la capitale. En fin de parcours, vous expérimenterez un survol immersif époustouflant de notre ville qui ne ressemble à aucune autre. Amenez famille et amis à l'Observatoire de la Capitale, admirez le plus beau et le plus haut point de vue sur Québec. Le parcours Horizon est une présentation de la Capitale Assurance et Services financiers. Gratuit pour les 12 ans et moins. Plus de détails à observatoire-capital.com. Pour sa prochaine saison, l'Orchestre symphonique du Québec se met au service de la pop avec 4 concerts. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Pierre Lapointe, l'enfant terrible de la chanson québécoise. La symphonie des jeux vidéo, un concert éclaté, interactif et multimédia. L'incontournable Hollywood 4 et ses musiques de films. Catherine Major avec son invité Ariane Moffat. Hydro-Québec, partenaire de saison. Suivez notre encan du Radioton sur ckrl.qc.ca. Téléphonez au 418-640-2575 et misez à votre tour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez entendre des voix derrière moi. Ce sont des voix de camarades, de collègues qui répondent à des gens comme vous, qui misent sur des lots et sont en compétition et en concurrence saine avec d'autres auditeurs, d'autres auditrices comme vous. 640-2575, 640-2575. Alors, la rotonde, lot 32, une paire de billets pour Solitude duo de Daniel Léveillé Danse, le 19 avril à la salle Multi, valeur 70$. Il faudrait le faire partir, parce qu'il n'est pas parti celui-ci, et il est à 35, c'est-à-dire à la moitié. Avec juste un petit 5$ de plus, on le considérerait comme mise en route. 32, réseau monquartier.québec, forfait publicitaire, sur monlimoilou.com, montsaintroch.com, montsaintsauveur.com, d'une valeur de $400, et c'est en route. Ça a été activé, comme on dit, à $200. 34, Namasté Limoilou. Ça, c'est pas loin de chez nous. Forfait de 5 séances de yoga chez Namasté Limoilou. Valeur $75. Et c'est activé. C'est une mise des départs, mise actuelle à $45. Je prends une autre page, messieurs, dames. Namasté Limoilou, une autre fois. Un autre forfait 5 séances de yoga chez Namasté Limoilou. Valeur marchande $75. Mise de départ, mise actuelle $35. 36, Sento Spa, une journée d'expérience détente, spa d'inspiration japonaise pour 2 personnes. Magnifique cadeau. Valeur marchande de 100, mise actuelle 80. Vous aimez les romans historiques? Lui préfère la science-fiction? Alors que vos amis ne jurent que par les essais et la littérature québécoise et que vos enfants dévorent des histoires d'amour tourmentées? Le Salon international du livre de Québec saura vous contenter. Avec plus de 1250 auteurs présents, la diversité est au rendez-vous cette année encore. Le Salon international du livre de Québec, sous la présidence d'honneur d'Éric-Emmanuel Schmitt, du 11 au 15 avril, au Centre des congrès de Québec. Du 7 au 15 avril, le 9e art s'empare de la capitale à l'occasion du 31e Festival Québec BD. Spectacles, animations, rencontres et près de 30 expositions vous attendent aux quatre coins de la ville. Découvrez toute la programmation et les 125 auteurs présents au québecbd.com. Le 31e Festival Québec BD, le 9e art pour tous les goûts. La SDC 3e Avenue stimule la vitalité économique du Vieux-Limoilou en offrant aux gens d'affaires un milieu dynamique, créatif et compétitif. La SDC 3e Avenue représente plus d'une centaine de commerces, professionnels et organismes. Elle intervient dans de nombreux domaines tels que le développement économique, l'aménagement urbain, l'organisation événementielle et la promotion du secteur du Vieux-Limoilou. Vous êtes intéressé à faire des affaires sur la 3e Avenue? Nous pouvons vous aider en partageant notre connaissance du milieu, nos études de marché, les locaux alloués et bien plus encore. Suivez-nous sur Facebook à SDC Limoilou pour connaître les dernières nouvelles du quartier et participer à des concours. Soyez les premiers à miser sur les lots de l'encan du Radioton sur ckrl.qc.ca et téléphonez au 88 640 2575 et faites votre mise. Alors nous continuons. Nous avons des téléphonistes. Il y a une chose que je ne comprends pas, par exemple. Pour l'instant, ce sont juste des gars, des hommes. Il faudrait avoir la relève féminine. Une chance que nous en avons à l'animation. L'O37, l'Express du Sud. C'est quoi ça? C'est un resto certificat de 50$. La valeur est donc de 50$ et la mise actuelle est de 40. 38, toujours dans la restauration la bouffe, casse-croûte Pierrot. Certificat de 30$, valeur de 50, mise actuelle 40. 39, 40, 41, ce sont les éditions à lire. Alors, il y a un classique de science-fiction, un coffret des 5 tomes du roman L'oiseau de feu de Jacques Brossard, un écrivain magnifique qui nous a quitté malheureusement il y a quelques années. Faites un don en composant le 88 640 2575 ou en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton PayPal. C'est le moyen le plus sécuritaire et le plus simple d'encourager votre radio. Cette journée du Radioton de CKRL vous est présentée par la Caisse de Limoilou et de Première Ovation. La Caisse remercie ses 40 000 membres qui rendent possible l'implication financière de plus de 1,5 million de dollars par année dans Limoilou et qui bénéficie au développement des organismes culturels et sociaux tels que CKRL 89,1. Prenez part, vous aussi, à la croissance de votre communauté. Cette émission vous est présentée par le Conservatoire de musique et d'art dramatique de Québec. Tu veux devenir acteur, musicien, compositeur, scénographe, metteur en scène? Tu cherches une grande école où enseignent des musiciens et des comédiens renommés? Viens faire ton conservatoire. Le Conservatoire de musique et le Conservatoire d'art dramatique de Québec, deux écoles d'une extraordinaire vitalité au cœur du bouillonnement culturel d'ici. Découvre ces établissements prestigieux et chaleureux dont les diplômés sont les joyaux de la scène québécoise et internationale. Sur scène, sur disque, au cinéma, à la télé, nos finissants sont partout. Et CKRL se fait le promoteur de leurs talents. Le Conservatoire est fier d'appuyer le Radioton de CKRL. Juste avant toi. Des grandes productions quand même en troisième année. Ça, c'est Génie qui était ouais. Une des belles productions. Très souvent, bien évidemment, on en profite. D'abord, ils sont 12. Fait que c'est rare qu'on peut avoir 12 personnes dans une distribution. Alors, on en profite avec eux pour faire ces grands spectacles-là. En plus, comme c'est les élèves scénographes qui font des corps et costumes, bien, tu sais, ça fait un, ouais. C'est un... une expérience là assez grande. Alors je vous rappelle qu'on est au Radioton de CKRL, on est rendu à 27 567 $. Wouh! On continue. Faut grimper ça. Notre objectif est de 42 000 $. Et on est en compagnie de Jacques Leblanc, que vous venez d'entendre, directeur du Conservatoire d'art dramatique. Il y a à ma droite Lauriane Charbonneau, qui est étudiante en première année. On discutait comme ça du Conservatoire, 60 ans d'existence dans le paysage culturel québécois. Jacques, à Québec, et je pense que ça a toujours... On est très différents, ben, en tout cas, il me semble, de Montréal. Il y a deux conservatoires, Québec-Montréal. Moi, ce qui différenciait le conservatoire de Québec dans mon temps, c'était la création. Hein? Québec, c'était le volet plus créatif. Montréal avait la télévision, l'audiovisuel. Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Ça, est-ce que tu vas aller vers d'autres choses? Ça, ça bouge un peu. Tu parlais de technologie tout à l'heure. Ouais. Faut dire qu'à l'école, il y avait Marc Doré qui a été... étudié, lui, chez Jacques Lecoq à Paris, qui est un théâtre assez gestuel. Et il avait aussi étudié, dans une autre école à Paris, je me souviens pas, mais en tout cas, peu importe. Et il a amené ça au conservatoire. C'est ce qui a fait que les deux conservatoires étaient différents chez nous. On étudie encore le bouffon, le clown, mais le clown de théâtre, évidemment, là. Pas le clown par ballon. ni le clown McDonald. Et la comédie dell'art et le jeu masqué. Ils ont des cours aussi de théâtre gestuel. Ils créent à partir de nouvelles, de toiles, de grands maîtres, etc. Oui, il est encore question beaucoup de création au conservatoire. À Montréal, il y en a aussi. Les deux conservatoires sont... à la fois différent, mais le but est toujours d'enseigner le jeu d'une façon comme d'une autre. Et le but, c'est que les élèves sortent d'une école ou de l'autre en étant assez armés pour être capables de jouer sur une scène de théâtre, sur un écran de télévision ou un écran de cinéma. Donc, c'est pour ça qu'on les forme. C'est sûr qu'à Montréal, ils ont plus de jeux, de cours de jeu devant la caméra que nous. Nous, on a des stages qu'ils font de jeu à la caméra, pas un cours. Mais ça va s'en venir bientôt. Oui, c'est ça, on se sent bien. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que quand il y a des changements de direction, ça amène des changements aussi d'orientation. Par contre, tout le volet de création de l'école et le volet de théâtre physique, c'est évident que ça va rester. Ça distingue le jeu. C'est la marque de cette école-là. Ben justement, je lance la balle à Lauriane. Les cours que vous avez là, les cours que tu as présentement, parle-nous-en donc un peu, ceux qui auraient envie, là. Il est peut-être trop tard pour s'inscrire pour les auditions de l'année prochaine, mais si jamais... On a vraiment plusieurs cours. On va vraiment avoir des cours de jeu, tout simplement. Interprétation, on prend une scène, on la monte et on travaille justement un personnage. La vérité on va avoir dans le jeu. La vérité, exactement. Vraiment. Les différents styles de jeu. Exactement. On fait du québécois, on fait du français normatif. On recule en ce moment, juste dans un de mes cours, on fait du Shakespeare. Mm. Mais on va toucher un peu à tout, justement, pour se permettre de voir quel style t'appelle, comment tu réagis à ça, comment toi tu travailles cette époque-là, cette auteur-là. On va avoir des cours de voix. On va avoir, au début de l'année, on a aussi eu un peu des cours initiation à l'acrobatie, juste pour un peu délier son corps, apprendre à bouger, veut pas, parce que... Ouais, parce c'est que, notre instrument, la voix, ben le oui, corps, voilà, exactement. Puis en ce moment, on a aussi du théâtre gestuel où on fait de la création, mais on a aussi appris à bouger des éléments, des couleurs, des peintures, justement, comme tu en parlais, et c'est ça, puis c'est intéressant parce que dans le fond, on s'assoit énormément, je vais dire ça de même, mais on s'assoit dans son corps. Moi, je me tiens comme ça, puis je parle comme ça, puis je bouge de même. Mais là, quand tu me demandes de bouger une couleur, bien c'est sûr que je ne bougerai pas comme moi. Fait que ça m'oblige à sortir de toutes mes habitudes, de ma vitesse quand je bouge, de ma façon de marcher, de ma façon de tenir ma tête, mon corps. Et c'est comme ça que tu peux créer des personnages intéressants. C'est comme ça que tu peux sortir de toi-même tout en restant dans ton propre corps. Est-ce qu'il y a une bête noire? Dis-moi, j'ai une bête noire? Oui, s'il y a un cours plus tôt. Puis dis-moi pas, ben, non, c'est pas ça, ça se peut pas. Mais c'est, je pense pas que c'est un cours en particulier. Ben, c'est sûr que quand j'ai fait des acrobaties, c'est très effrayant. C'est très effrayant. T'as pas l'impression que t'as autant de contrôle qu'en fait tu en as. C'est comme si tu te fais dire, ah, t'es capable de faire une roue, puis je suis comme, ah, non, non, c'est pas vrai. Mais oui, en fait, t'es capable, t'es assez forte pour réussir ces choses-là qui semblent incroyables quand tu vois quelqu'un d'autre le faire, mais qui en fait sont pas si compliquées. C'est ça qui a été intéressant à les découvrir par rapport à soi-même. Ça me fait dire que le conservatoire, c'est une école de théâtre, oui, oui, mais c'est une école de la vie aussi, hein. Ah, on forme des êtres humains, des citoyens responsables. Il y a tout ça aussi derrière la pensée du conservatoire. C'est ça. Puis quand, bon, bien sûr, on les met en contact avec toutes sortes de sentiments humains, ils se mettent eux-mêmes aussi en contact avec toutes sortes de sentiments humains, et ça... J'ose espérer que ça ouvre l'esprit sur la compréhension générale de l'humanité. Tu sais, quand tu fréquentes un personnage qui a des travers, ben tu les comprends parce que tu joues la scène, tu joues la pièce, bon, et ben ça ouvre ton esprit. Tu peux finir par être un peu plus empathique envers certains comportements humains ou la misère ou etc. Tu sais, il y a ça effectivement. Il y a ça dans la formation. Et il y a ben évidemment ils sont obligés de lire. Il y a des cours d'histoire du théâtre. Ils sont obligés d'en connaître davantage sur l'histoire. Ça prend un minimum de culture générale. Et en tout cas, si on ne l'a pas en entrant au conservatoire, on développe sa curiosité aussi, j'imagine. Ben oui, mais il faut être curieux pour faire du théâtre. Je veux dire, tu ne peux pas juste dire, ah, ça c'est le style que j'aime, puis je reste là-dedans. Ben non, il faut qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sorte, tu aies envie d'aller voir, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que lui dit? Comment est-ce que lui le dit? Comment il le jouait, cette façon-là de faire? Parce que c'est avec ça que tu avances en tant qu'artiste. Moi, je pense que quand t'arrives au conservatoire, t'es déjà un artiste. T'es déjà une personne à part entière qui a tellement plein de valeurs et de choses à partager. Et le conservatoire te donne les outils pour le partager parce que, en plus, j'ai entendu l'entrevue qu'on parlait tantôt, là, qui dit, tu sais, il y avait une entrevue puis il disait, les mentors m'aident justement à placer mon histoire, ben c'est exactement comme ça. T'as les outils à l'intérieur de toi-même, mais tu sais pas encore comment les utiliser, fait que le conservatoire te montre comment les utiliser. Oui, c'est bien dit, ça, c'est ça. C'est vraiment très bien dit. Oui, oui, en tant que professeur de conservatoire, ben, enfin, directeur, est-ce que ça s'enseigne? C'était ma prochaine question, puis tu me lances là-dessus. Est-ce que ça s'enseigne, le théâtre? Ben oui, ça s'enseigne. C'est des techniques. Il y a beaucoup de choses qui s'enseignent dans le théâtre. C'est sûr qu'il y a une affaire primaire qui est le jeu, la flamme, cette folie-là, l'envie de le donner à quelqu'un. Ben ça, ça s'enseigne pas. Mais il faut, par contre, canaliser toutes ces envies, ces désirs, cette flamme, ce goût d'aller à l'intérieur de soi. Ben c'est ça qui s'enseigne. Les différentes techniques. La diction, parce qu'il faut que les gens comprennent de quoi il est question. La voix, parce qu'il faut qu'on la projette dans la salle. Le jeu physique, c'est comment est-ce qu'on se tient sur une scène et comment est-ce que cette énergie-là est perçue par le public. On veut qu'ils soient des acteurs, tu sais, du bout des cheveux jusqu'en dessous des pieds. Et ben ça implique le corps, ça implique la voix, ça implique les yeux, les oreilles, tu sais, tout ça est très important. C'est impressionnant quand on regarde la liste des personnalités qui sont passées par le Conservatoire de Québec. Beaucoup de grosses vedettes. Commencez par toi, Jacques. Ben, tu sais, Gérard, il y en a, on dit, Pierre-Robitaille, Guylaine Tremblay, Marie-Thérèse Fortin, Céline Bonnier, tu sais, c'est des gens qui font des très, très grosses carrières. Et puis, c'est des gens qui sont extrêmement talentueux. Puis, c'est sûr, Robert Lepage, tu sais, Robert. Quand même, c'est peut-être la plus grosse vedette théâtrale au monde. Et ben, c'est ça, tu sais, c'est les gens qui sont passés par le conservatoire. Quand on parlait de création au Conservatoire de Québec, sa formation lui était très utile pour le reste de... Absolument. Il dit toujours que, ben, enfin, c'est sa sœur qui me l'a dit plusieurs fois dernièrement. que Robert, c'est comme s'il était revenu au monde une deuxième fois quand il a fait le Conservatoire de Québec. Tu sais, ça l'a ouvert sur, justement, toute, ça l'a aidé à canaliser toute sa créativité. Puis Robert, il a ce très grand talent aussi de s'entourer d'équipes qui sont créatives et d'être capable d'orchestrer toute cette créativité-là alentour de lui et d'en faire une œuvre qui devient la sienne. Tu sais, c'est extraordinaire sa façon de travailler. Moi, je suis impressionné. En plus, c'est un être éminemment intelligent, là, avec une grande culture. C'est très fun de le côtoyer, là, de travailler avec lui aussi. En dégâts. On parlait en hors d'onde de Roland Lepage. Oui. Yves Dubois nous a trouvé un petit extrait de la complainte des hivers rouges qui avait été présentée au Trident avec, ma foi, tout plein de comédiens qui ont issu du Conservatoire d'art dramatique. Je les nommerai après, là, il y a des gros noms là-dedans. On l'écoute. Bon Canadien des villes, des villages, des campagnes, braves gens, bonnes gens de partout le pays, des bords du fleuve au fond des lointaines montagnes, gens du Bas-Canada, écoutez bien ceci. Il y a deux hivers qu'on en gardera la mémoire, pour longtemps, bien longtemps de partout le pays. C'est des hivers marqués dans le livre de l'histoire par le son. Clocher en clocher partout le pays, sonnait l'alarme pour dire à nos gens qu'ils se disent, sauvons-nous les Anglais, sans remplir par ici. On pouvait voir la nuit dévorée par les flammes. Nos enfants et nos femmes étaient chassés, dehors, sans pitié, sans merci. Partir nos biens détruits, c'est la bande à Colbonne qui nous a dévastés de partout le pays. Que le diable l'encorde, l'avec un chien barbare pour prêter mon ainsi. Ça, c'était en 1974 au Théâtre du Trident. Ouais. Alors, je vous nomme... alors, on essayait de deviner qui chantait, mais en tout cas, visiblement, probablement Monique Mercure. Oui, probablement. Marie Tifo. Oui, je l'entendais, Marie. Ouais, il y avait Marie aussi. Alors, Roland, qui était dans la production, Rémi Girard, Germain Houde, qui étudie au Conservatoire, Léo Munger aussi, qui a passé par là, Gaston Hubert, Denise Dubois et Denis Mailloux, qu'on connaît Denis moins. Denis Mailloux, c'était... lui, il a été administrateur au Trident pendant de nombreuses années. Il devait l'être à ce moment-là. C'est avec lui que j'ai signé mon premier contrat au théâtre de ma vie à l'été 81. Tout de suite, en sortant de l'école, c'était lui qui m'avait fait signer mon contrat, 85$ par soir. Fait que c'est ça. Mais à la fin de l'année, de cette même année-là, j'avais joué à la Bordée. Puis là, c'était 45$ par soir. C'était pas beaucoup. Les répétitions n'étaient pas payées à ce moment-là. Là. Non, c'est ça. Ça faisait pas un gros 3 mois. Non, là. C'est ça. Remarque que moi, quand je suis sortie de l'école au théâtre d'été, j'étais payée à peu près le même cachet qu'aujourd'hui. Mais ça, c'est au théâtre d'été. Ah, c'est la belle époque des théâtres d'été. C'est-tu la fois que je t'avais dirigé? Oui. Ah! Mais, oui, j'avais commencé l'année d'avant, mais après, on avait fait la ménagère apprivoisée ensemble. Exactement, au théâtre de Saint-Wenceslas. À Saint-Wen, théâtre de la Reine des Érables. Et voilà. Ouais. Ah, c'est drôle, hein? C'est un moment de un souvenir. Ouais. J'avais commencé avec Berthe et Rose. Ah, parce oui, que oui, oui. Le conservatoire, Lauriane, c'est aussi ça un peu. On se disait, personne va, on va tous faire du grand théâtre, on fera pas de. On avait des grands idéaux, ouais. Et puis finalement, fois, les fait... contrats arrivent, et puis on c'est les ça. Fait, puis ouais, c'est ouais, très exactement. Agréable. Toi, parlant d'idéaux, ta carrière rêvée, je sais pas si. Je te pose une colle, si tu y as pensé un peu, télé, cinéma, théâtre, ah, tout. Ah ben, c'est sûr, c'est la scène. C'est sûr, c'est la scène. Je veux dire, c'est ce qui m'appelle. Je veux dire, ça se compare pas. Je sais pas, j'ai jamais fait de la télé. Fait que j'ai fait une annonce quand j'avais 5 ans, là, mais ça compte payant, pas. C'est plus payant, je te dis ça. Quand ah, j'en doute pas. Je me suis fait dire plus d'une fois, mais... ouais, quand je dis théâtre, souvent ma famille me regarde avec des gros yeux, ils sont comme, t'es sûre? Mais là, s'il y a un contrat qui vient à la télé, tu vas le prendre, là, parce que sinon. Mais moi, j'aime. Je suis contente d'être au Conservatoire de Québec parce que j'aime l'approche aussi physique qui est différente de moi, toutes les autres approches que j'avais apprises qui étaient très intellectuelles. Mais j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup la recherche des mots, puis de mettre ça sur une scène, puis de comment tu vas le bouger par après, comment tu vas l'exprimer avec ça. Moi, j'ai aucune ligne vraiment directrice tout de suite. Je me dis, je vais attendre de voir tout ce qu'on va m'enseigner, puis je vais me placer à la fin où est-ce que j'ai envie d'aller avec ça. Mais je pense que la création... Oui, il reste encore quand même 2 belles années devant toi. On va en me tout donner cas, là, t'en as déjà fait une première. Et là, il y a les auditions. J'aimerais qu'on aborde ce petit volet-là. Parce que là, bon, évidemment, il y aura des auditions. Il y aura des auditions à partir du 20, ceux qui 21, nous écoutent, je dit, crois. J'aurais envie de partir trop tard. Il est trop tard, mais s'il y en a qui appellent au conservatoire là, dans la semaine qui vient... On va prendre leur candidature aussi. C'est étrange, un peu partout dans les écoles de théâtre, là, on dirait qu'on est comme dans un bas d'une espèce un petit de courbe démographique. Je pense que c'est la même chose dans les cégeps, dans les universités. Il y a un petit peu moins de demandes d'admission. On ne sait pas pourquoi exactement, là, mais on pense que c'est à cause de ça. Tu sais, il y avait moins d'enfants qui naissaient. Il y a 22 ans, mettons, ou 21 ans, là, tu sais. Fait qu'on continue de prendre les candidatures, mais malgré qu'on en a 200, là, quand même. C'est bon, je veux pas dire qu'on n'en a pas, mais tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui se disent « Oh non, il est trop tard. » Ben non, okay. On va ben, oui, de toute façon, hein, on est dans le domaine de l'art, on peut toujours faire du cas par cas. On peut faire du cas par cas quand ça monte sur mon bureau, c'est sûr que je fais « Ouais ». Moi, j'aimerais qu'on parle des activités, puis on va parler de ton activité aussi, Lauriane, mais les activités entourant le 60e anniversaire. Oui, on a... d'abord, on a fait dernièrement, avec l'Orchestre symphonique, là, on a fait le Bourgeois Gentilhomme sur la scène du Grand Théâtre. Oui, on a entendu le thème tout à l'heure. Ouais, c'était un gros, beau projet. Une mise en scène que t'as fait. Ouais, et puis au mois de juin... Lors de la soirée de clôture du Carrefour international de théâtre, c'est le 8 juin, on fait une soirée atelier libre, mais ouverte à tous ceux qui ont fréquenté le conservatoire depuis 60 ans. Alors donc, on va tenter d'avoir, mettons, un numéro par 5 ans, mettons, là, tu sais, ou quelque chose comme ça. Mais je sais pas si... Là, on vient d'envoyer l'invitation. Là, on a déjà reçu des réponses de gens disant qu'ils avaient envie de faire des numéros. Donc, ça va être sous forme d'atelier libre, cabaret, au bar Le Zinc, un petit hommage au conservatoire à travers tout ça. On va présenter les 4 shows qui vont être jouer l'année prochaine rapidement. T'sais, évidemment, on ne veut pas que ça dure 25 heures. Mais c'est le 8 juin à partir de 8 heures, je crois, au Zinc, dans le complexe Méduse. Là. Je remercie beaucoup le Carrefour. Et ouais. C'est vraiment très le fun. Tout est interrelié. Hein? Oui. Il me reste une petite minute, Lauriane. T'as une activité, toi, c'est ce soir. Mais c'est toi et ta classe. Exactement. La cohorte des premières années du conservatoire, on ramasse des fonds pour faire un stage parce qu'on n'en a jamais fini. On n'a jamais fini d'apprendre. Fait qu'on on voudrait l'année prochaine faire un gros stage. Alors, on commence cette année à ramasser des fonds et ce soir, on fait un spectacle au Drag Cabaret Club sur la rue Saint-Jean. Et c'est un spectacle où les élèves de première année vont se transformer en drag queen et drag king afin de divertir. C'est vraiment style cabaret, fait que ça va vraiment être des numéros chant, danse, lip-sync, humour, magie, là on s'amuse là-dedans, puis c'est juste pour que tout le monde s'amuse. Alors c'est 7$ à la porte et tout l'argent nous revient afin qu'on puisse... Ben, je te souhaite qu'il y ait plein de monde, mais surtout un beau stage. Oui, merci beaucoup. C'est ça aussi le métier de comédien, c'est d'organiser des soirées bénéfices. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup ça aussi. C'est un bon début, ouais. Ça, Lauriane. Fait que c'est au drag à partir de 7h30. Merci beaucoup, Jacques Leblanc. Ça me fait plaisir, toujours merci, un plaisir. Lauriane, mais merci, Lauriane Chambonneau. Et puis, joyeux 60e anniversaire. Restez là, vous êtes à l'antenne de CKRL. Cette émission vous a été présentée par le Conservatoire de musique et d'art dramatique de Québec. Tu veux devenir acteur, musicien, compositeur, scénographe, metteur en scène? Tu cherches une grande école où enseignent des musiciens et des comédiens renommés? Viens faire ton conservatoire. Le Conservatoire de musique et le Conservatoire d'art dramatique de Québec, deux écoles d'une extraordinaire vitalité au cœur du bouillonnement culturel d'ici. Découvre ces établissements prestigieux et chaleureux dont les diplômés sont les joyaux de la scène québécoise et internationale. Sur scène, sur disque, au cinéma, à la télé, nos finissants sont partout. Et CKRL se fait le promoteur de leurs talents. Le Conservatoire est fier d'appuyer le Radioton de CKRL. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, la Barberie est ancrée dans son milieu depuis 1997. Première entreprise coopérative microbrassicole au Québec, unissant le savoir-faire d'une équipe de passionnés de bière et l'engagement social. La Barberie, heureuse de s'associer à CKRL 89.1. Labarberie.com. Chers auditeurs et auditrices de CKRL 89.1, la plus vieille radio francophone du Québec, c'est Aloupa Clark, votre députée fédérale de Beauport-Limoilou qui vous parle en direct, tout simplement pour vous inviter en grand nombre et chaleureusement à participer au grand Radioton cette fin de semaine qui se tient, comme vous savez, à chaque année. Encore une fois, Aloupa Clark, je suis votre députée fédérale et n'hésitez surtout pas à me contacter en tout moment, je suis là pour vous servir au 418-663-2113. Bonne journée et bonne fin de semaine à tous. Suivez notre encan du Radioton sur ckrl.qc.ca. Téléphonez au 418-640-2575 et misez à votre tour. Rebonjour tout le monde, Denis Lelièvre avec vous. Il est presque 15h, donc oui, misez, appelez-nous au 640-2575. 418-640-2575. Nos nombreux téléphonistes attendent votre appel. Je continue à faire la ventilation, tiens, des lots, le numéro 40, édition à lire, tout sur la science-fiction québécoise, et 100$ valeur marchande, mise au départ 50. Et ça, il faudrait le faire partir, ne serait-ce qu'en ajoutant un petit 5 à partir de 55, pourquoi pas, c'est le numéro 20, tout sur la science-fiction québécoise. 41, édition à lire aussi. Un peu la même chose pour la littérature policière, tout sur les personnages récurrents en littérature policière, avec un exemplaire du détectionnaire. Valeur marchande 70, valeur actuelle 35$. Ça a démarré. Nos lots 42 et 43, ça se ressemble un peu. 42 Festivin, forfait familial, deux adultes, deux enfants pour l'édition 2018. Valeur marchande 115$, valeur actuelle 65$. Et l'eau 43, Festivin nouveau, forfait familial, deux adultes, deux enfants pour l'édition 2018, valeur marchande 115$ et valeur actuelle 65$. Numéro 44, quelque chose qui est très prisé, la Maison Jaune, certificat de cadeau de 150$ pour des cours en saison 2018, valeur marchande 150$, mise actuelle 100$, 45 et 46, 45 Bugel, certificat cadeau de 50$, mise de départ 50$, 25, 75, 6, 4,